regarde mon bonheur, il a le trait tiré. Il se lève à 6 heures et s'en va travailler. Et voit ma belle vie comme elle est bien réglée. Il faut dire Dieu merci que je suis bien dressé. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je cherche dans la rue un peu de poésie, mais elle a disparu dans la ville où je vis. Les sourires sont figés, les pas sont cadencés, la minute est comptée, pas le temps de rêver. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je marche de travers, j'ai l'air d'un naufragé au milieu des feux verts et des passages cloutés. À force de courir, je ne peux plus m'arrêter. Oui, vous pouvez sourire, ça peut vous arriver. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Oui, mais tous les dimanches, je me lève à midi, je prends, c'est ma revanche, mon déjeuner au lit. En rêvant qu'un matin, mon réveil sonnera bien plus tard que demain, mais en attendant ça. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends mon petit train et m'en vais travailler. Je me lève le matin, je prends mon déjeuner, je prends